Le château d'Epstein, chapitre 17. Le récit de cette seule matinée peut faire comprendre quelle avait été, pendant 3 années, la douce vie à deux d'Everard et de Rosemonde. Le tendre rêveur des bois du Taunus et la grave pensionnaire du Tilleul sacré s'étaient développés l'un et l'autre dans le sens de leur caractère et de leur destin. Rosemonde avait enseigné Everard, Everard avait aimé Rosemonde. Le promeneur solitaire désormais n'était plus seul. Il avait à qui offrir son âme, à qui envoyer sa pensée, à qui consacrer les parts de son cœur et de sa vie que sa mère laissait vides. Il mit son bonheur à obéir à Rosemonde. Ce qu'elle lui donnait à faire, il en venait à bout sans effort. Elle eut sur ce sauvage esprit une juridiction souveraine. Tout fut à elle dans cette nature rude et dévouée. La seule chose qu'Everard garda pour lui, ce fut sa religion pour l'ombre d'Albine. Rosemonde était sa confidente pour tout le reste, mais il ne s'ouvrit qu'avec réserve, même à elle, sur ses visions de la nuit et du jour. Le secret des apparitions et des conseils du cher fantôme ne fut révélé qu'à demi. Comme l'amour véritable, le respect filial d'Everard avait sa pudeur qui lui défendait de trahir cette tombe fermée pour tous, hormis pour lui. Everard eut dès lors une double existence et un double amour, et sa mère ne lui sembla pas irritée du partage. Quand Rosemonde était là, il travaillait avec elle, heureux de l'écouter et de la comprendre. Elle partit, il s'enfonçait dans la forêt et dans sa rêverie, et c'était sa mère qui l'appelait, sa mère qui venait, qui reprenait sur lui son ancienne autorité, et qui lui parlait dans le vent ou dans la brise, toujours pour l'instruire et l'améliorer. Or, ces entretiens, il en taisait les détails et l'objet, comme l'amant respectueux qui ne dit pas les baisers de sa maîtresse. Les froids rayons de la lune ou les pâles clartés des étoiles en étaient les seuls témoins et les seuls confidents. Seulement, il faut croire que sa mère le plaignait, si elle ne le blâmait pas, et que, s'il n'encourait pas de reproches, il était troublé de ses appréhensions et de sa pitié. Car il revenait de sa grotte le plus souvent mélancolique et même sombre, et quand Rosemonde l'interrogeait, il refusait doucement de lui répondre. Puis il pleurait avec amertume et parlait vaguement d'un avenir redoutable. Elle ne réussissait pas, ces jours-là, à le consoler. Hormis sur ce point, il était tout à Rosemonde et subissait de jour en jour, avec un charme plus vif, l'ascendant de la jeune fille. Il faut dire aussi qu'elle en usait avec une sagesse et une douceur infinies, comme si les instincts maternels qui étaient en elle ne devaient pas, hélas, trouver d'autres occasions de s'exercer. Elle avait entrepris avec joie et mené à fin avec amour l'éducation du jeune et inculte esprit d'Everard. Elle était revenue avec lui sur les rudes et ingrats sentiers de la science, elle avait montré à son élève, avec patience et bonne grâce, tout ce qu'elle savait. L'histoire, la géographie, le dessin, la musique, elle lui avait rendu familière les langues françaises et anglaises, sans parler de la littérature nationale. Sur plusieurs points, il l'avait dépassée. Sur d'autres, elle lui était restée supérieure. Mais en vérité, ça avait été un spectacle charmant et touchant que celui de cet enfant en enseignant un autre. Et c'était un mystère étrange que cette transformation, faite par une jeune fille, d'un rude et ignorant paysan, en un homme élégant et lettré. Raconter d'ailleurs les événements de ces 3 années à Epstein serait impossible. Rien n'était plus simple que l'existence que menaient Rosemonde et Everard, existence stérile en fait, féconde en idées. En 2 mots, on pourrait la dire. Les suivre un jour, c'était les connaître depuis 3 ans. Dès le matin, Everard quittait le château, où il avait définitivement repris sa chambre, Et, après avoir fait une longue prière sur la tombe de sa mère, il venait frapper à la porte du bon Jonatas. Tandis que Rosemonde, qui était la meilleure et la plus exacte ménagère, rangeait et disposait tout dans la maison, il étudiait seul, il repassait les leçons de la veille et préparait celles du jour. Puis on déjeunait en famille, simplement et gaiement. Les heures du travail venaient ensuite, animées et sérieuses, à la maison quand le temps menaçait, dans le bois, dans la plaine, à la source quand il faisait bon. Et les études n'en étaient pas plus mauvaises pour être faites le long d'un champ de blé, les lectures n'en étaient pas moins bien comprises pour être accompagnées de quelques chansons d'oiseaux. Parce que des fleurs cueillies sur la route marquaient les pages des livres, les livres parfumés n'en profitaient pas moins aux lecteurs. La soirée était donnée au repos et à la causerie. L'hiver, on s'asseyait au coin du foyer flamboyant, l'été, sur le banc du seuil, sous le chèvrefeuille et le jasmin. L'hiver, on écoutait tomber la pluie ou la neige, l'été, on regardait le soleil se coucher et se lever les étoiles. Puis, le bonhomme Jonatas ou Rosemonde avait toujours à raconter quelque conte merveilleux ou quelque légende charmante. Le garde-chasse surtout, qui était le plus grand conteur du pays, n'en avait jamais fini avec ses souvenirs, parmi lesquels il n'omettait pas même, dans la pureté et la sincérité de son cœur, toutes sortes d'histoires d'amour, dangereuses peut-être pour des auditeurs aussi jeunes que les siens, s'il n'en eût atténué l'effet par sa candeur chaste et sa naïveté sainte. Quand on ne racontait pas, Rosemonde s'asseyait à son clavecin et jouait les plus beaux morceaux de Gluck, de Haydn, de Mozart, de Beethoven même, qui commençaient alors à jeter son éclat. On ne saurait décrire l'effet que produisirent ces immortelles mélodies sur l'esprit d'Everard, à la fois vague et profond comme la mer et comme la musique même. Tandis que les petits doigts de Rosemonde couraient agiles sur son clavier, les rêveries du jeune homme erraient rapides et folles dans les champs sans limite de l'imagination. Nous avons raconté déjà comment il se croyait entouré d'une éternelle harmonie et quelle voix céleste il entendait à toute heure dans le silence. Or, il reconnaissait parfois, dans les sublimes inspirations des maîtres, les notes éparses des concerts de son extase. Rosemonde aussi, dans ces moments-là, lui apparaissait, comme autrefois Albine, précédée par les sons des harpes séraphiques et tout enveloppée comme elle d'un voile de mélodie. Il l'eût volontiers adorée alors ainsi qu'une sainte, et il fallait que la voix de Jonatas le réveillât pour qu'il ne se crût pas transporté en paradis. Puis, quoique les événements fussent bien rares dans sa vie solitaire, le beau est vraiment si simple que, dans telle sonate ou telle symphonie, notre rêveur attentif croyait souvent retrouver son humble histoire. Oui, cette basse continue, si majestueuse et si grave, c'était bien le fond triste et sombre de son existence. La pensée éternellement présente de sa mère morte, la menace sourde et grondante d'un avenir inconnu, tandis que les étincelantes et vives fantaisies, arabesques légères de sons brodés sur les accords uniformes, lui rappelaient sa vie au soleil, et Rosemonde souriante, et les prés, et les bois vermeils, et ses études mêlées de jeux. Everard souriait et se reposait, bercé dans les caprices de l'harmonie, mais tout à coup, une note foudroyante ramenait, coup de tonnerre dans le ciel bleu, le formidable présage de quelque sinistre événement. Quand on ne racontait pas, quand on ne faisait pas de musique, Rosemonde ou Everard lisaient à voix haute. Ces lectures pouvaient passer pour les vrais, les seuls événements de leur retraite. C'est ainsi qu'un soir, Rosemonde lut Hamlet. Everard écouta en silence le sombre drame, se leva sans mot dire quand il fut achevé et sortit incliné sous le poids de ses pensées. Le lendemain, il confia à Rosemonde les impressions que la terrible épopée du doute avait laissées dans son âme. N'existait-il pas une étrange conformité, une sorte de parenté morale entre lui et le héros du scepticisme? Tous deux voyaient sans cesse une ombre à leur côté. Ils étaient jeunes, tristes, faibles tous deux. Ils sentaient l'un et l'autre qu'ils avaient quelque chose d'horrible à faire et que la fatalité les avait pris pour ses instruments. Ce qu'Everard n'osait ajouter, c'est que, comme Hamlet, il hésitait devant la vie, c'est qu'il avait peur d'espérer, peur de croire, peur d'aimer surtout. C'est qu'en son amer découragement, il eût volontiers dit à son Ophélie « Au couvent, retourne au couvent !» Il est pourtant un point, disait Everard pensif, sur lequel nous sommes différents, le prince de Danemark et moi, pauvres exilés. La mission affreuse dont le destin le charge, il la connaît, et moi je l'ignore. Il voit le but auquel il marche, le poignard dont il doit frapper, et il s'épouvante. Que serait-ce s'il allait comme moi au crime dans les ténèbres, s'il se savait un bourreau, mais un bourreau aveugle? « Everard, que dites-vous ? » s'écria Rosemonde effrayée. « Oui, Rosemonde, je vous fais horreur et pitié, n'est-il pas vrai ? Mais je ne suis pas fou, mes révélations ne me trompent pas. Hamlet est l'instrument d'une vengeance. Je dois être l'occasion d'un châtiment. » Ma mère en est triste et pleure beaucoup de ses yeux desséchés. Je ne frapperai pas, peut-être, mais je serai cause que Dieu frappera. Je ne viens pas faire autre chose sur la terre, Rosemonde. Il y a des hommes qui sont grands, qui accomplissent de belles œuvres et qui renouvellent la face du monde. Moi, je ne suis destinée à aucune de ces actions mémorables. Hélas, moi, je ne suis pas libre comme mes semblables. Je ne servirai dans la main du Seigneur ou dans celle du démon qu'à faire punir quelqu'un. Caillou jeté sur le bord du chemin, je ne suis bon qu'à faire tomber une âme dans l'enfer. C'est là que tend ma vie, cette vie que vous essayez de faire intelligente et utile, Rosemonde. Ah, vous avez tort, à quoi bon, mon Dieu, qu'on illumine les palais, soit, mais la lampe du cachot ne sert à éclairer que la misère. Telles étaient parfois les amères plaintes de cette âme désolée, et le sourire de Rosemonde avait bien de la peine à la ramener à l'espoir et à la résignation. La généreuse fille y parvenait cependant à force de soins, de courage et de bonté. Elle corrigeait Hamlet avec l'imitation de Jésus-Christ et Werther avec la vie de Sainte Thérèse. Qui l'emporterait dans cette lutte entre l'amour et le sort? Qui aurait raison, des espérances de Rosemonde ou des terreurs d'Albine, de la vivante ou de la morte? Dieu seul le savait. On connaît maintenant les détails touchants ou effrayants, enfantins ou lugubres, de ces trois années de la vie d'Everard et de Rosemonde. Ajoutons que, si nous avons plusieurs fois prononcé le mot d'amour, les deux enfants, eux, ne l'avaient jamais laissé échapper. Everard était trop triste, Rosemonde était trop pure pour cela. Daphnis et Chloé chrétiens, ils s'aimaient sans le savoir, sans se l'être avoué à eux-mêmes. Une révélation du dehors pouvait les éclairer par hasard. En eux-mêmes, rien ne devait certainement les avertir. Ils allaient cependant. Ils vivaient innocents et seuls sous le ciel bleu, dans la maison rustique, à l'ombre des grands arbres, toujours et partout ensemble, la main dans la main, leur front se touchant quand ils lisaient dans le même livre. Et à les voir ainsi dans quelque attitude gracieuse ou abandonnée, on les eût souvent pris pour quelque groupe antique de marbre blanc.